Chapitre 15e, le nègre continue. Et avec volubilité, comme si elle eût voulu dire toutes ces paroles à la fois, elle reprit. Paulin Broquet, homme merveilleux, grand cœur, âme unique, héros dont je connais la vaillance, la force, dont j'admire la douceur. Non, je n'ai pas voulu que Paulin Broquet fût tué bêtement, attaché à un banc, un baillon sur la bouche, par une ridicule cartouche de dynamite. Je suis intervenu. Ne me demandez pas pourquoi je me trouvais là. J'ai essayé de sauver Bianca. Ne me demandez pas comment j'ai pu venir chez Paulin Broquet. Nous avons perdu en luttant un temps précieux, et nous sommes arrivés trop tard. Le rire, la jeunesse, le printemps qu'était la mignonne danseuse, avaient été tués. Mais vous vous étiez blessé en cherchant à la sauver. Oh, moi, qu'importe. À moi comme à vous, notre vie ne nous appartient pas. Elle ajouta. Nous avons tous deux une mission, la vôtre de justice, de vengeance, la mienne, oh la mienne, est de haine et d'amour, de douleur et de joie. Je ne peux vous en dire plus. Mais Sidon se leva. Maintenant, dit-elle, reprenons notre tâche. Vous savez désormais tout ce que de moi vous pouvez savoir. Rappelez-vous que je ne fais rien dans la vie qui ne soit dicté par ma conscience, que j'estime de la même trempe que la vôtre. Rien qui ne soit accompli avec mon cœur, que je crois frère du vôtre. Que cela vous suffise. » Plus bas, elle poursuivit. « J'ai sauvé Paulin Broquet. J'emportais Zygomar parce que c'était de mon devoir de le faire. Il le fallait. Il le fallait. » Très émue, elle porta à ses yeux le léger carré de dentelle qui lui servait de mouchoir, et en souriant tristement, elle ajouta « Allons, vous venez de voir là plus que vous ne pouviez attendre. Miss Hidden pleure. Le monde entier a vu mon sourire. Un seul homme a surpris mes larmes. La femme la plus belle peut-être du monde, mais la plus forte, a montré à cet homme sa faiblesse. Et elle lui a laissé voir qu'elle était aussi femme. Cet homme, c'est vous. » Paulin Broquet, très ému à son tour, écoutait. « Parce que, reprit Miss Hidden, la plus forte des femmes, la plus habituée aux pires luttes, reste quand même femme. Et qu'elle a parfois besoin d'un appui, d'un refuge, parce que j'irai le chercher chez vous. » Paulin Broquet s'inclina sans répondre, mais aussitôt Miss Hidden ajouta. « Votre mission ne vous permet pas de vous engager envers une inconnue, envers une femme mystérieuse. Je ne vous le demande pas. Sachez seulement que je ne vous eusse jamais dit ces mots. Si Miss Hidden n'avait pas tendu vers la vôtre, si noble, si franche, une main, qui ne fut aussi loyale. » Elle conclut. « Maintenant, disons-nous au revoir, ou adieu. Mais ne cherchez plus à savoir si le parfum de Miss Hidden est celui que conservait la casquette trouvée chez Ulma, celui du mouchoir retenu par la serrure du marquis. Ne cherchez plus à savoir si Miss Ida Hidden est, ou non, la femme rousse. Vous ne saurez plus rien de moi. » Elle se tut, puis brusquement, après une courte hésitation, elle reprit. « Si, vous aurez encore, oui, vous seul, vous saurez que dans la vie de Miss Hidden, il est un jour noir, plus noir que des cheveux de deuil. Vous saurez que dans son cœur, il est une plaie, plus douloureuse que celle dont son bras est meurtri. » Et faisant sauter le bracelet d'or qui lui saignait le bras, elle montra à Paulin Broquet ce qu'elle cachait si scrupuleusement aux yeux de tout le monde. Paulin Broquet regarda et il poussa un cri d'horreur. « Oh, quel est le misérable qui... » Miss Hidden, sans répondre, remit son large bracelet d'or. « L'horreur de cette plaie vous montre combien grande est la douleur de mon cœur et quel mal j'ai à vouloir l'apaiser. » De nouveau, elle tendit la main à Paulin Broquet, tout bouleversé. « Adieu, » lui dit-elle. Le maître d'hôtel, au nez en bec d'aigle, faisant ce soir fonction d'huissier, parut à la porte et va prendre le détective pour le reconduire jusqu'à la grille de fer de la villa. Quand elle fut seule, Miss Hidden regarda pensive la porte qui venait de se fermer sur Paulin Broquet. Elle ne put retenir un sanglot, et ses larmes coulèrent. « Ah » fit-elle en essuyant ses yeux, « que la vie est bête, que le sort est inutilement cruel. » Alors elle se tourna vers un cadre où, dans un cercle d'or, souriait une tête adorable d'enfant. « Darling » répéta-t-elle, « my darling, viens comme un ange bercer le rêve de ta malheureuse mère. » Elle se retira lentement, lasse, accablée. Mais Seddon venait à peine sortir qu'une portière se souleva. Un homme parut. C'était un homme jeune encore, beau, avec des yeux noirs, plein de flammes, admirablement bâti, les mains très fines. Il entra à pas souples et silencieux comme un félin, et sur sa figure, au trait charmeur, se lisait le plus sarcastique des sourires. Cet homme devait être de la plus froide et de la plus implacable cruauté. « Ah ah !» fit-il à mi-voix. « Voilà Miss Eden qui se lance dans un roman d'amour avec un policier. Vraiment, c'est la chose la plus inattendue du monde. Miss Eden n'est pas seulement la plus belle, elle est aussi la plus déconcertante des femmes de l'univers. Oui, drôle, très drôle, cette idylle. » Tout en parlant, il s'était approché du cadre doré qui contenait le portrait de l'enfant. Il le regarda. « Ah, darling, la chérie, jolie, oui. Mais les photos sont quand même infidèles. Darling est encore plus jolie que cela. » À ce moment, on toucha à la porte. Promptement, d'un saut de chat, l'homme se dissimula derrière la portière opposée. Big, le nègre colosse, entra. Ses pas étaient assourdis par le tapis, mais le poids de sa masse faisait trembler le plancher. Il venait éteindre les lampes électriques qu'en se retirant, tout à l'heure, Miss Eden avait laissé allumer. Comme il approchait du commutateur, il sentit qu'on lui touchait l'épaule. Vivement, il se retourna, et comme il avait une nature de dogue, qu'il était toujours prêt à mordre, à battre, à assommer, il leva furieusement ses poings énormes. Mais en voyant l'homme, l'inconnu, qui venait de sortir de sa cachette, ses yeux roulèrent, ou plutôt son œil droit tourna avec effarement dans son orbite démesurément agrandie. Ses bras s'abaissèrent comme si on les coupait, ses jambes se prirent à flageoler, ses dents, sous les lèvres horriblement coupées, se mirent à claquer. Il recula absolument épouvanté, comme si le diable en personne soudain apparaissait devant lui. Sa bouche, dont la langue était coupée, essayait de dire dans cette épouvante « Le maître, le maître !» Le maître, appelons ainsi cet homme, le maître regarda Big en souriant et parut se complaire à voir sa terreur. « Eh bien, lui dit-il enfin, il paraît, mon vieux Big, que ça ne va pas trop mal pour toi. Te voilà, comme autrefois, gros, gras, resplendissant. Tu es en belle santé, en bonne forme. On te fait ici la vie douce, hein, mon garçon ?» Le malheureux noir tremblait de plus belle. « Tu t'es bien remis de tes émotions d'autrefois. À te voir aujourd'hui, personne ne se douterait que tu as passé un si mauvais quart d'heure, là-bas, attaché à l'arbre. Tout ça s'est bien arrangé, bien cousu, bien réparé. C'est admirable. Après avoir été si fortement endommagé, te voilà presque à neuf. À demi guéri du défaut de curiosité, puisque tu n'as plus qu'un œil, et à tout jamais corrigé de ta gourmandise, puisque tu n'as plus de langue. C'est parfait. » Le maître en regarda encore le pauvre diable. « Je le leur ai dit, leur whip est peut-être bon pour des chevaux, pour des buffles. Il n'est pas suffisant pour un noir. D'ailleurs, ils s'en servent de ce terrible fouet comme des enfants. » Et les indiquant du bout des doigts, il ajouta « Voici quelques places sur ta peau qui eussent dû être mieux traitées. En voici d'autres où l'on pourrait encore faire du bel ouvrage. » Big, tremblant, était tombé à genoux et mourait de frayeur. Cet homme devait lui paraître un monstre échappé de l'enfer. Le maître, maintenant très posément, s'était assis, comme s'il se fût trouvé chez lui, dans le fauteuil que tout à l'heure occupait Paulin Broquet. « Ainsi, reprit-il, tu aimes beaucoup Miss Eden. » « Réponds. » « Oui, » fit de la tête le noir. « Tu es absolument fidèle, hein ?»« Oui, maître, » fit de même le malheureux. « Tu es prêt à étrangler, à assommer l'imprudent qui oserait lever les yeux sur elle, à réduire en bouillie, sans scrupule, celui qu'elle désignera à tes points formidables ?»« Oui, maître. » »« C'est très bien. » « Tu es aussi naturellement prêt à sacrifier ta vie pour elle, pour la défendre. »« Oui, maître. » »« Continue. Puisque tu es un nègre, cela te sera facile. Continue. Seulement, quand j'aurai besoin de toi, tu abandonneras Miss Eden sans retard, sans qu'elle puisse soupçonner que tu me sers. Tu accourras à mon premier signal. Tu viendras à l'endroit que je te désignerai, et tu accompliras sans la moindre hésitation ce que je te dirai de faire, n'est-ce pas ?» « Oui, maître. Comme cela, nous nous entendrons. Sans cela, tu sais que les arbres ne manquent pas. L'on pourra attacher un nègre pour faire chanter sa peau. » En entendant ces mots, le nègre sentait de grosses gouttes de sueur couler de ses tempes. Le maître reprit. c'est bien entendu, mon garçon. Oui, maître. Bon, maintenant remets-toi. Reprends ton service, comme si rien ne s'était passé. Ne me suis pas. Je connais le chemin. Et c'est comment on évite les pièges et les signaux électriques. Allons, à bientôt. Et le maître disparut, laissant le noir atterré, brisé, en proie à la plus effroyable terreur.